dans l'ère des églises, on parle de Dieu. Pour autant, de Dieu, là, on parle sur un autre niveau. C'est relié au phénomène de l'homme. Les dieux sont reliés à ce qu'il fallait croire, ce qu'il devait croire, ou ce que l'on doit croire. Pourquoi autant de personnes croient? Pourquoi autant de peuples? Pourquoi y a-t-il autant de différences de Dieu ou de Dieu si différent? Phénomène de mœurs, phénomène très divers. Que faisons-nous avec ces dieux aujourd'hui? Y a-t-il encore des dieux? Sommes-nous des dieux? Autant de questions on peut se poser, tous et chacun. Invitons Daniel Kemp pour venir nous traiter de ce sujet. Daniel Kemp. Les dieux? Les dieux. Oui, phénomène relié à l'homme, les dieux. Comment pourrait-on définir le phénomène des dieux? Seul Dieu le sait. Il me semble qu'il y a une religion qui disait ça. Oui, évidemment. Même beaucoup de religions. Oui, dans différentes langues, on a souvent cette terminologie, seul Dieu le sait, les voies de Dieu sont impénétrables. En termes québécois, ça veut dire « couche-toi couché, le cave, pose-toi pas ces questions-là ». Premièrement, il faudrait savoir qu'est-ce qu'un dieu. Un dieu, c'est... C'est sûr que c'est un sujet qui est effrayant. Pourquoi autant de dieux? Il y a énormément de personnes qui sont assises sur des dieux, sur des divinités, sur des croyances, sur des livres sacrés, ce qu'on appelle, c'est ce terme de plus en plus employé, la parole de Dieu. Mais quand on me dit la parole de Dieu, puis qu'on me cite un écrit, je penserais qu'on serait mieux de dire les écrits de Dieu. Ou les écrits. Ben, c'est ça, là, c'est plus la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle était transportée par les prophètes. La parole. Et lorsque les prophètes, n'ayant plus apparemment la puissance de recevoir la parole, ont cessé de parler, se sont tus, on a écrit. Et comme on écrit toujours beaucoup après la parole, ce qui est écrit n'est pas nécessairement ce qui a été dit. C'est ce qui a été compris par l'humain, donc ce qui a été coloré par l'humain. Et lorsqu'on a commencé à écrire, nécessairement, on s'est fié plus à l'écriture qu'à la parole de Dieu. Alors, d'autres humains ont continué à parler, mais on leur disait simplement, c'est pas prévu dans les Écritures, ça ne fait pas partie des Écritures, ce qu'on appelle la parole de Dieu. Alors, pour que l'être humain aujourd'hui puisse arriver à avoir une parole qui apparemment a la qualité ou la substance ou la structure de la parole écrite de Dieu, il faut qu'il se promène soit avec l'Écriture en dessous de son bras. Celui qui a une parole puissante est la Bible, il passe. Et ou le Coran ou la Bhagavad Gita, selon les ethnies, il passe. Mais celui qui en son nom parle, comme les prophètes le faisaient avant, ou comme les avatars ou comme les Melchisédèques, les catalyseurs d'évolution l'ont fait avant, eh bien aujourd'hui, ça ne marche plus. Si le Nazaréen reviendrait, il irait en prison immédiatement pour pratique illégale de la médecine. Alors, c'est un phénomène qu'on doit constater. On se refuse, au fur et à mesure du vieillissement de l'humanité, on se refuse de reconnaître les choses comme elles sont, préférant reconnaître les choses comme elles ont été. Les dieux, et je dis bien les dieux, parce qu'effectivement, il y a plusieurs dieux. Certains intellectuels prétendent que Yahvé, Jéhovah, Moroni, mon Père, Seigneur, Dieu, et tout cela, c'est le même Dieu. Alors que certains dieux, Allah par exemple, certaines nations vont se servir du phénomène divin pour créer un djihad, c'est-à-dire une guerre sainte, comme celle qui est engendrée au niveau du terrorisme international et qui va sans doute dégénérer en Troisième Guerre mondiale, parce que lorsque l'on mêle la politique à la religion, ça crée toujours quelque chose d'extrêmement explosif. Adolf Hitler avait mélangé l'ésotérisme théologique avec la politique, et cela a engendré évidemment le Troisième Reich. une guerre mondiale. Mais les phénomènes des dieux, est-ce que ça n'a pas pris toujours source en rapport avec le pouvoir? Ben, l'homme serait drôlement plus en paix s'il n'aurait pas eu cette implantation archétypale du phénomène des dieux. L'humain serait drôlement plus en paix s'il ne serait pas plugué à ce qu'il appelle un dieu. Pourquoi? Parce que la majorité des guerres ont été engendrées par les dieux. On parle de guerre sainte, on peut parler des croisades, on peut parler d'un paquet d'autres phénomènes de guerre. L'expansion, où tu as l'idée, et certains, et on va dire encore c'est l'homme, mais c'est toujours l'homme. Lorsque Dieu parle à l'homme, nécessairement il parle à l'homme. C'est comme je dis souvent, la Bible c'est un livre qui ne dit que la vérité, à la condition que personne ne le lise. À l'instant où quelqu'un se met à lire, ce qui sort de la bouche ou de la compréhension de l'individu est nécessairement coloré. Ce qui fait que la Bible devient un livre mensongeur, comme le Coran, comme la Bhagavad Gita, comme le Talmud, comme la Cosmogonie du Rancia, comme quel que soit le livre. C'est un livre qui ne contient que la vérité, à la condition que tu ne le lises pas. Et Dieu, c'est la même chose. Alors, on a Napoléon qui veut être un Dieu vivant, et c'est une guerre sainte. On a les pharaons, on a eu les Romains, on en a eu des exemples historiques où la guerre était engendrée par un dieu dans le ciel qui devait avoir ses armées, mais finalement, ses armées n'étant pas assez efficaces. L'humain faisait la job, et c'est toujours ce qui est arrivé, avec l'acte de construction parfaite où il y a eu une époque où tu pouvais convaincre autrui, obliger autrui de dire « Mon Dieu, je t'aime », par la force, quitte même à le tuer s'il le fallait, et c'était permis. Parce que Dieu, à cette époque, ce Dieu-là avait tellement besoin de nourriture émotive qu'il permettait à ses disciples de suivre. Lorsque ses disciples sont devenus plus humanisés, et ce n'est pas à cause des dieux, ben Dieu a évolué. Parce que les dieux évoluent toujours après le règne de l'homme. Parce que les dieux sont créés par l'homme, à l'image et à la ressemblance de l'homme. Le premier dieu, qui était le premier dieu? Le premier dieu de quelle race? De n'importe quelle race. Et non. Parce que l'humain a commencé à conceptualiser les dieux plus ou moins en même temps. Alors, le premier dieu blanc a été un être humain qui a conduit la race indo-européenne, la race aryenne, la première sous-race de cette race mère blanche, et il s'appelait Rama. Ram. Il a conduit, par la suite, il a été supporté par un bonhomme qui l'a aidé, qui s'appelait Krishna. Mais comment on a créé ce dieu à partir d'une personne humaine? Bon, c'est pas compliqué. Quel phénomène? On appelle cela le culte des ancêtres. Puis le culte, c'est toujours le C-U-L-T-E. Hein? C'est là que ça devrait se retrouver, dans le culte. Bon. Culte des ancêtres. À travers un peuple qui génétiquement n'est pas capable de supporter de l'intelligence, vient au monde un fou, un con, un imbécile. C'est le mélange mathématique des phénomènes génétiques engendrant de temps en temps des tares humaines, le fou du village. Mais à travers cette mathématique de probabilité qui engendre le fou du village, de temps en temps naît le chef ou le sorcier du village. Et si la génétique qui est transmise en caractère dominant, disons récessif, finalement dominant, engendre un homme qui sera musculairement plus puissant, parce qu'il y a eu une époque où c'était important, un homme qui aura la sagesse, une sagesse qui lui permettra de consciemment ou de conscientiser les événements, même si c'est très localisé ou très nombritique, lorsque cet humain apparaît, au-delà, dans son village, au-delà de la conscience de ses villageois, nécessairement, il sera comme un contacté, comme un plugué, comme un élu, ou encore comme un demi-dieu, ou sinon un dieu vivant. Et lorsque cette personne meurt, eh bien, tous les humains font tout pour la ramener. Dans la mémoire, il est vivant, même s'il n'a plus de corps physique. Alors, on peut le momifier, on peut manger son foie ou son cœur dans l'espoir de ramasser suffisamment d'hormones, c'est-à-dire de sang hormonisé, les hormones dans le sang, parce que c'est par le système hormonal que l'émotion de cérébrale de l'âme ou de la psychologie s'exprime dans le corps. C'est pourquoi le cœur accélère, il y a toute une phénoménologie biologique de l'expression d'émotion. Alors, ces traditions avaient l'idée qu'en mangeant le sang, donc en mangeant le foie, en mangeant le cœur, la pompe sanguine, ils pouvaient acquérir les caractères de l'autre. Ce qui se passait un peu. Et lentement, vu que le peuple voulait absolument ramener à la vie ce Dieu, ils l'ont ramené dans le monde de la mort, c'est-à-dire dans l'égrégore dans le ciel, et ils ont engendré un égrégore, une religion, le culte des ancêtres. Lorsque ces cultes des ancêtres finissent par être tellement en grand nombre dans le monde de la mort, ils entrent en guerre les uns contre les autres, ce qui oblige nécessairement les tribus à entrer en guerre les unes contre les autres. Et chaque égrégore, chaque dieu a besoin d'être nourri émotivement. Et c'est pourquoi ces dieux vont culpabiliser l'homme, instruire premièrement la graine du libre-arbitre. Tu as un libre-arbitre, le cave. Fais le bien ou le mal, t'as le choix. Si tu fais le mal, je te tue, t'as le choix. Si tu fais le bien, je te donne un bec. T'as le choix. Alors, quand l'humain fait le mal, il souffre, il perd tout ce qu'il a, puis apparemment, il va en enfer. On appelle ça le choix. Bon, moi quand on me donne un choix, c'est un autre genre de choix. Ça, on appelle pas ça un choix. Vous avez le choix de traverser les murs, vous sentez par la porte, vous avez le choix. Bien, tu essaieras tant que tu voudras traverser les murs, tu ne traverseras pas. Et là, Dieu va te répondre, « Ah, c'est parce que tu ne prends pas le bon choix. » Moi, je répondrai, « Hey, connard, c'est pas un choix. J'ai le choix de ne pas sortir ou de sortir. » Pas le choix de sortir par où je veux. Alors, à travers tout ce phénomène de l'évolution, l'homme créant l'image, l'idole, parce que, prenons l'exemple de René Lévesque. De son vivant, c'est un être humain. Une fois qu'il est mort, oui, voilà. Il devient un phénomène national. Bon. Il aurait été malade à l'hôpital, tous ceux qui sont déplacés n'auraient pas été le voir. Même les ministres. Mais parce qu'il est mort et que ça l'a engendré dans le monde de la mort une espèce de remous à travers la conscience indépendantiste du Québécois, conscience indépendantiste ésotérique, énergétique ou même politique, bien nécessairement, l'humain en fait quelqu'un de plus grand qu'il a été. Ou on peut peut-être plus précisément, l'humain découvre la quintessence de ce qu'il a été. Et chaque être humain a cette quintessence qu'on ne découvrira pas nécessairement à leur mort. Mais c'est souvent lorsque la nuit apparaît qu'on découvre l'existence du soleil, parce qu'il n'est plus là. Alors, lorsque les sorciers partent, lorsque les grands chefs partent, la tribu se ramasse seule et nécessairement l'empire tombe. L'empire tribal, mais c'est quand même un empire, une espèce de sécurité. Le bon ami est là, ou la bonne famille est là, ou le sorcier est là. Le sorcier, à l'origine, n'entrait pas en contact avec les dieux, il entrait en contact avec les ancêtres. Mais lentement, l'ancêtre, provenant de tellement loin, finit par être un point de référence mère, c'est-à-dire un point source. Et on pense qu'on provient de là. Et égoïquement, on provient un peu de là, au niveau de la constitution de l'âme. Et à travers toute cette évolution, il y a ces guerres divines où on finit par mieux placer les choses, où on va appeler Aphrodite déesse de l'amour, qui peut être jalouse de Zeus parce que Zeus courtise Hercule. Et c'est ce qui se passe au niveau du monde de la mort, et lentement, l'humain le conscientise dans l'échelle planétaire et finit par créer le polythéisme qui permet aux dieux ancestraux, au culte des ancêtres de différentes tribus, maintenant réunis sous un joug militaire ou politique, une société, eh bien, ces dieux existent toujours, et ces dieux vont, selon la quantité de gens qui vont les énergiser, prier pour eux, ces dieux vont être placés selon une hiérarchie particulière, une hiérarchie où Zeus, le dieu des dieux, sera le plus puissant parce que le plus énergisé, le plus prié par l'homme, celui auquel on fera le plus référence. Mars, le dieu de la guerre, sera puissant pendant un laps de temps où l'énergie tellurique des continents ou des territoires se déplaçant oblige l'humain à migrer. Puis l'humain migrant, bien, il mixe les territoires des autres et alors ça engendre la guerre. Pendant ces laps de temps où la planète Terre est en train de se rectifier, de s'harmoniser, enfin de se calmer au niveau de son évolution, de sa gestation tellurique, eh bien, il y aura des migrations humaines qui vont engendrer des guerres. Et nécessairement, il y aura une confrontation divine. Première chose qu'un Dieu demande à ses fidèles, c'est de convertir. Je l'ai dit souvent. C'est-à-dire, plus il y aura d'humains qui vont venir émotivement le nourrir, plus ce Dieu prend de la puissance. Et c'est pourquoi les vieux dieux meurent. Un dieu qui un jour pouvait punir ou même terroriser un peuple ne peut plus rien faire. C'est normal. Parce qu'à la longue, n'étant plus nourri, ben, il disparaît simplement. Il est dilapidé à travers les autres phénomènes divins. Alors un jour, un avatar, c'est-à-dire un bonhomme qui avait raison, même si on appelle ça un avatar, catalysé par un Melchizedek, Moïse, va venir et va monothéiser les polythéistes. C'est-à-dire qu'il va décider que là, la gang de cons, là, tout placé sous un seul dieu, comme Zeus. Et on va cesser d'appeler le dieu Mars, Par contre, on va hiérarchiser à partir du phénomène archangélique, angélique, mais c'est la même chose. Et les saints. Les saints qui sont aussi une forme de divinité. Parce que prenons l'exemple de Saint Joseph avec l'oratoire. Si on aurait été dans un contexte tribal, c'est bien évident qu'Alfred Bessette, le frère André, aurait créé un nouveau Dieu. Un Dieu de la guérison. Un Dieu de la santé. Mais aujourd'hui, à cause du changement des termes, et c'est très intéressant qu'on ait changé les termes, on va parler du saint ou du patron. Le patron des travailleurs, qui à l'origine aurait été le dieu des travailleurs. Le patron de l'amour, ou le patron de la guérison, ou le patron des menuisiers, le patron de ceci, le patron de cela, ou la patronne. Dépendant d'où on se place dans le temps, on va s'apercevoir que l'homme ne se comporte plus de la même façon, puis le vocabulaire est d'autant plus sophistiqué. Plus l'homme développe son centre laryngé, plus nécessairement les mots changent. Et quand les mots changent, la conception de l'homme change, et quand la conception de l'homme change, ce qui est conçu change. Oui. Est-ce qu'actuellement, on n'assiste pas justement à une défection de ces croyances? De c'est moins même une défécation. Presque. Alors, on arrive à un phénomène où est-ce que les gens commence à se poser la question, est-ce que je suis un Dieu? Peut-être que je suis un Dieu. Peut-être que je suis en train de devenir un Dieu. Qui sait? Les gens se sont posés ces questions-là depuis longtemps. Et d'ailleurs, toutes les religions avaient prévu ce coup magistral où l'homme tenterait d'être lui, de se lever debout, de cesser d'être à quatre pattes ou à genoux. Et qu'est-ce qu'ils ont instauré? Ne mets pas Dieu au défi, mon petit. Pour avoir un Dieu, fais attention à tes claques. Alors, tu peux demander à Dieu, « Me prendre pour un Dieu est-il plus grave que d'assassiner mon voisin? » Parce que j'ai un criminel, moi, qui est en parfaite santé, il a tué un paquet de monde, là, puis il est en prison, puis il va être libéré dans quelques années. Alors, si je décide que je suis un Dieu, je risque les foudres éternelles, tandis que lui, il va vivre en santé, puis il va être correct. Chaque fois que l'on veut amener une logistique au niveau des phénomènes divins, on est fait. Pour être précis, lorsqu'on est suffisamment puissant, Dieu est fait. La question la plus impressionnante et la plus dangereuse à poser de la bouche d'un homme, c'est pourquoi? Et qu'est-ce qui fait que l'être humain devient une quintessence intelligente que j'appelle l'homme nouveau? C'est lorsque l'homme est capable de dire non. Non à tout ce qui ne fait pas partie de sa conscience. Donc, non à tout ce qui ne fait pas partie de sa compréhension. Et non pas de sa programmation. Parce qu'il y a une compréhension qui est programmative. Ça a toujours été comme ça, hein? C'est pas une compréhension, c'est une programmation, c'est une instruction, c'est un apprentissage. Lorsque l'humain est capable de dire non, c'est con, c'est non. Peut-être que de temps en temps, les forces intelligentes vont continuer à manipuler l'homme pour qu'il s'en aille comme ça, même s'il veut pas, cela se peut. Mais il n'y a pas un Dieu qui a le moindrement un peu d'allure, qui serait incapable de supporter le nom d'un homme. Est-ce que l'homme est un Dieu? Beaucoup de théologies disent que Dieu est partout. Nécessairement, s'il est partout, il est dans l'homme. Étant donné que l'homme n'est pas parfait, nécessairement, Dieu ne peut pas être parfait. Et les théologies prétendent bien que Dieu est parfait et qu'il est partout, mais que l'homme n'est pas parfait. Ce qui nécessairement engendre un problème lorsque l'on pose la question logique. C'est comme lorsque l'on dit que Dieu est partout et qu'on va se retrouver à la droite de partout, à la droite de Dieu, parce qu'on va être mort. Ça crée aussi une problématique intéressante. Il y a plusieurs choses. Alors, le ciel existe, les dieux existent, sauf que les dieux sont tout ce que l'homme aurait pu ou aurait dû, mais n'a pas pu supporter en tant que conscience ou en tant que phénomène énergétique. Il l'a placé dans le ciel, il l'a relégué dans le monde de la mort, dans l'attente qu'un jour il puisse supporter ce qu'il est. Alors, est-ce que l'homme est un Dieu? L'homme qui est un Dieu est un Dieu. L'homme qui n'est pas un Dieu n'est pas un Dieu. Quand on parle d'homme, on parle évidemment de femme, on parle d'enfant. En potentiel, ouais, on peut le dire. Hein? Ça permet aux personnes de pouvoir se dire, en potentiel, je suis un Dieu. Comme en potentiel, je suis un tas de... Bon, même affaire. Autrement dit, en potentiel, je suis tout ce que je suis pas. C'est pour ça que je n'aime pas le terme, en potentiel, je suis un Dieu. En potentiel, tu n'es pas un Dieu. Il n'y a personne qui, en potentiel, est un Dieu. Tu es ce que tu es. Tu es un être humain médiocre. Tu tu es un être humain qui constate sa médiocrité et qui veut se lever debout, nécessairement, il aura à souffrir parce qu'il devra arracher des peaux, des mémoires. Tu es un être humain qui se lève debout et qui peut supporter de la conscience, nécessairement, tu seras anormal et les autres te jugeront. Et tu seras peut-être un être humain qui finalement sera capable de travailler pour l'humanité, avec l'humanité ou contre l'humanité. Mais lorsqu'une chose se doit d'être faite et que tu la conçois comme telle, tu dois travailler pour qu'elle soit faite. Normalement, si tu as travaillé contre l'humanité, c'est une preuve que ce n'est pas le temps. Donc, va te coucher. Et c'est prouvé jusqu'à date, l'intelligence t'empêche de travailler contre l'humanité. Elle te rend malade si tu ne comprends pas. Elle te donne des problèmes financiers si tu ne comprends pas. Elle fait en sorte que toute ta famille te saute dessus. Bref, on t'occupe en masse pour que tu n'aies pas le temps de t'occuper, de sauver ou de travailler contre l'humanité. Le phénomène des dieux, c'est un phénomène extrêmement intéressant parce qu'il a été archétypé, c'est-à-dire qu'il est... Archétype veut dire vieille forme. Vieille forme, vieille mémoire. Il a été légué dans la conscience émotive, on peut dire, dans le cœur de l'homme, de façon à ce que l'homme, pendant qu'il était assujetti au joug de l'ignorance, pendant que l'homme, tant que l'être humain ne sait pas ce qu'il fout sur la planète Terre, il a besoin d'un dieu. Le Dieu est exclusivement créé à l'image et à la ressemblance de l'homme, et c'est pourquoi on parlera de Dieu le Père, celui qui a la possibilité de choisir les sexes par le phénomène spermatozoïdal. C'est pourquoi on parlera souvent de la mère, la terre, celle qui nécessairement reçoit la graine et la fait pousser, qui donne la vie. C'est pourquoi on parlera d'un Dieu qui aura des armées, à l'époque où les rois avaient des armées. Un Dieu de vengeance et de colère, à l'époque où les rois étaient de vengeance et de colère. Un roi qui voulait avoir son peuple, nécessairement il y aura des peuples de Dieu, des peuples élus. Il y aura des terres promises, parce que ta théorie s'en va là, comme les conquérants l'ont toujours fait aussi, quelle que soit leur divinité. Où doit-on mettre ces résidus de certaines croyances? On déifiait des éléments matériels. Aujourd'hui, peut-être on peut trouver à déifier l'argent, les autos, la télévision, enfin... Bon, le mot déifier, on peut le transférer par émotiviser. Mais effectivement, c'est un peu le même phénomène. La personne peut déifier sa lance ou son bouclier. Aujourd'hui, on va émotiviser, ce qui est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va souffrir autant de la perte d'un être humain ou d'un objet qu'à l'époque, on pouvait souffrir de la disparition d'un contact ou d'un dieu ou d'un sorcier. Parce qu'il y a des phénomènes relativement nouveaux où des enfants sont leur interdits, par exemple, de regarder la télévision à guise de châtiment. Ils vont même se suicider. Ça, c'est les enfants nouveaux. Ils se suicident parce qu'ils sont amenés d'avoir de l'illogisme dans le monde parental. Et comme on leur dit toujours que l'autre côté, c'est plus beau, ils vont voir. C'est un suicide logique. Oui, c'est un suicide logique. C'est dans une perception différente. Où est la limite entre le Dieu, qui est celui dont on croyait, puis celui que l'on devient, bon gré, mal gré? Il y a eu un temps où toutes les idoles sur la planète Terre étaient des êtres humains qu'il fallait suivre. Alors, Platon était un idole. Ramsès II était un idole. Assurbanipal était une idole, Salomon était une idole, David qui a tué Goliath était une idole. Et on en a plusieurs dans différentes ethnies, dans différentes races et dans différents temps où on a eu des idoles. Jusqu'au jour où la théologie, c'est-à-dire le monde de la mort, a interdit à l'homme de nourrir l'idole. Parce que chaque fois qu'on nourrit une idole, on lui donne de la puissance. Si on va idolâtrer le pape Jean-Paul II, nécessairement le pape Jean-Paul II devient plus puissant. Et comme on a presque idolâtré René Lévesque, nécessairement la conscience de René Lévesque, c'est-à-dire que la vibration de ce qu'il voulait véhiculer en tant que pensée, l'indépendance du Québec, la souveraineté d'association, renaît chez les Québécois parce qu'il a vibré ce phénomène de l'idolâtrie. Et un jour, le phénomène de la mort, les dieux ont interdit à l'homme d'idolâtriser. Ça n'a pas empêché l'homme de continuer à le faire. Tu ne feras aucune reproduction écrite ou sculptée des choses du ciel et de la terre. Autrement dit, rentrez pas dans aucune église, parce que vous allez voir qu'en partant, ce commandement-là, il est bafoué de A à Z. Puis si vous voulez l'appliquer en démolissant 3-4 symboles, on va vous taper dedans aussi. Donc, ce qui bafoue d'autres commandements aussi, ce qui est intéressant. Placez tout dans le ciel. J'ai déjà expliqué dans une conférence que lorsque l'être humain faisait une sculpture, lorsqu'il faisait de l'art, il plaçait de son énergie dedans. Il a toujours eu peur de tout placer dans le ciel. Parce que les dieux sont vachement voleurs. Lorsque, d'ailleurs, sont voleurs à un point tel que les dieux demandent à toutes les personnes de baptiser leurs enfants à la naissance. L'enfant n'a pas le choix de choisir la religion, mais s'il meurt, on sait où va aller son âme. Bref, tout ce qui était baptisé. C'est pourquoi la religion catholique romaine place sur les baptêmes le premier nom. C'est pas ton nom que les parents veulent te donner, on s'en fout. Ou quoi que ce serait un nom bizarre ou barbare. C'est Joseph pour les gars, puis Marie pour les filles. En partant, t'es réglé. Alors, ça peut être Joseph Al Capone, qui n'est pas un nom judéo-chrétien, mais vu que c'est Joseph, tu es sûr d'aller dans voir le bon Dieu. Parce que si on t'appellerait, si on décide de t'appeler Isaac, ce qui se peut, bien, si tu meurs, tu t'envoies voir le Dieu juif. Alors, si c'est Joseph Isaac, si tu meurs, tu t'envoies le Dieu catholique. C'est ça, c'est la clé. À moins qu'il y ait une maudite déchirure dans le monde des morts. C'est la clé de la religion, de chacune de ces religions. Oui, baptiser, donner le nom, et c'est très important. Lorsque l'homme n'est pas capable de supporter sa condition d'ignorant, et quand je parle ignorant, je ne veux pas dire qu'il ne sait pas où sont les points cardinaux. L'être humain est ignorant de sa condition planétaire tant qu'il a besoin d'une divinité. Ce n'est pas grave, mais c'est bon de savoir que la croyance, c'est tout à fait l'opposé du savoir. Lorsque je crois, ou lorsque je pense que, lorsque j'ai foi en... J'exprime par le fait même, par ma parole fausse, que je ne sais pas. Est-ce qu'il nage dehors? Je crois que oui. Je pense que oui. Peut-être bien que oui. Moi, je vais nécessairement répondre, mais tu allais voir. Donc, tu viens d'exprimer le fait que tu ne le savais pas. Et que tu philosophiais. Et l'humain va dire, oui, mais croire qu'il neige, puis croire en Jésus-Christ, ce n'est pas la même chose. Et tu as remarqué que Jésus-Christ a été une idole à l'époque de son temps. L'idole, on a fini par l'interdire et Jésus-Christ est devenu un dieu. Et aujourd'hui, Jésus-Christ redevient de plus en plus une idole, l'idole des jeunes. Alors, on descend maintenant le phénomène énergétique sur le plan planétaire. Croire qu'il neige ou croire en Jésus-Christ, ce n'est pas la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Celui qui rencontre le Nazaréen, qui lui serre la main, puis qui voit ses boutons disparaître, puis qui voit tout son corps se replacer, puis qui voit le bonhomme qui le vibre à un point tel, parce que le Christ est revenu, mais tout ce qui est fait dans l'Antiquité, il ne fait plus aujourd'hui. On peut chercher le Christ. Le Christ est l'énergie christique. Mais prenons l'exemple de la réapparition intégrale du double éthérix nazaréen, le corps de lumière que les apôtres ont vu et ont touché. Et toi, tu le rencontres, tu lui serres la main, il te fait faire un voyage, une extra-conscientisation astrale ou un voyage astral où tu revois toute sa vie. Il te prouve de A à Z. Tu lui dis, si tu es le Christ, fais-moi traverser le mur. Et tu traverses le mur. Si tu es le Christ, j'aimerais pouvoir comprendre instantanément tout ce qui se passe sur la planète. Et tu le comprends. Mais tu n'auras pas dit à ta mère, je crois que j'ai vu le Christ. Tu vas lui dire, j'ai vu le Christ. Bon, elle ne croira pas, mais c'est sa job. Mais toi, tu ne pourras plus prétendre croire en Jésus-Christ. Tu sauras. Tu ne croiras pas, tu sauras. Nécessairement, donc, croire que l'automobile va démarrer, croire qu'il neige, croire en Jésus-Christ, moi, je crois à la réincarnation. Oui, c'est intéressant, c'est très joli, fantastique. Mais si tu meurs, tu vois tout, tu reviens au monde, puis tu te rappelles de tout, pas parce qu'on t'hypnotise, là, pour te faire entrer des mémoires astrales dans la caboche. Tu t'en rappelles, inconditionnellement. Tu diras pas, je crois à la réincarnation. Tu vas dire, la réincarnation existe. Je le sais. Et on va te dire, comment ça se fait que tu le sais? Qu'est-ce que tu as lu pour le savoir? Là, tu peux répondre, non, je ne l'ai pas appris. Donc, je n'ai pas eu besoin de lire. Je le sais. L'as-tu expérimenté? Oui. On ne te croira pas. Parce que l'humain est jaloux, tu sais. Tu ne peux pas faire plus que ça. Jaloux, il ne pourra pas accepter le phénomène. Non. Mais ceux qui ne croient pas, ce n'est pas grave. La nuance, elle est là. C'est que toi, si tu le sais, tu ne le crois plus. Quand on me pose la question, « Monsieur Kim, croyez-vous en Dieu? » Non! Je ne peux pas me permettre de croire en quelque chose que je sais. Je ne dis pas que je sais que Dieu n'existe pas ou que Dieu existe, mais une chose certaine, c'est que je sais ce que je sais. Et je n'ai donc pas besoin de croire. C'est à vous de savoir si ça existe ou pas, pas à moi de vous le dire. Croire, c'est intéressant, c'est un phénomène qui est nécessaire, qui est essentiel parce que l'être humain est divisé en deux parties hyper fondamentales qui sont en train de lutter à l'époque d'aujourd'hui. C'est la partie intelligente, la partie qui peut intelligencer des événements, la partie qui logifère sur l'événementiel, la logique, le mental. La partie qui va dire, hey, je ne suis pas pour acheter ça, je ne pourrai jamais le payer. Puis en même temps, dedans, il y a l'autre partie qui dit bou, dit que c'est beau, puis ça tente le goût. Ça, c'est la partie émotive, la partie astrale, la partie amique. Et il y a une guerre entre les deux. Il y a une des deux parties qui va savoir. L'autre ne saura jamais. Il y a des événements que vous avez vécus qui ont été formidables, ça fait 10 ans, 20 ans, alors vous n'êtes même plus sûr de les avoir vécus. Alors, si un jour tu rencontres le Nazaréen, tu lui serres la pince, mais dans 20 ans d'ici, s'il n'est jamais revenu, tu ne seras jamais sûr que ça s'est passé. L'ego, l'âme, ne peut pas savoir, elle ne peut que mémoriser, et dans sa mémoire, vu que la mémoire est altérée par le temps, elle oublie, elle perd, elle invente, elle se colore, eh bien, la mémoire, l'âme, ne peut faire autrement que de vibrer comme une perception d'une chose qu'elle a peut-être vécue. Ce qu'on appelle émotivement la croyance. L'être humain a un 5% d'intelligence, et ce 5%-là, ben, au lieu de s'en servir, il se couche devant un tabernacle ou un cossin, et puis il prie. On ne peut pas demander à un voleur de vous donner. On peut ordonner à un voleur de donner. Lorsque le Nazaréen a laissé le Notre Père qui est aux cieux, il ne parlait pas du ciel, il parlait des cieux. Lorsqu'il a laissé cela, il termine avec « Amen », qui veut dire « Amen ». Ça veut dire « ainsi soit-il », qui veut dire « qu'il en soit ainsi ». C'est un ordre. Et il y a plusieurs clés, on en a déjà parlé. Les dieux sont des voleurs. Quel que soit le dieu, il est un voleur. Et pourquoi autant de dieux? Pour la simple raison qu'il y a autant de formes telluriques sur le plan planétaire, ce qui engendre nécessairement des corps physiques différents. Et ces corps physiques différents ne pourront pas faire autrement que d'exprimer le 5% d'intelligence, phénomène espritique. L'esprit, certains vont dire, bon, ben c'est ça Dieu. Priez ça Dieu si vous voulez, mais priez-le pas, lui. Et lorsque l'être humain exprime cela de façon différente, l'humain vivant des expériences historiques différentes, nécessairement, il n'aura pas les mêmes chefs, il n'aura pas les mêmes avatars, c'est-à-dire les mêmes conducteurs, comme Hermès Thoth a été un conducteur, comme Odin a été le conducteur de la race teutonique. Puis quand Odin est parti, ben, on en a fait un dieu norvégien, qui était apparemment l'équivalent de Rama, l'équivalent de Zarathoustra, l'équivalent de Zeus. Mais il était effectivement l'équivalent, c'est-à-dire qu'il était le premier patriarche d'un peuple. Parce qu'Odin parlait en son nom, nécessairement, dans la mémoire, l'homme pense que c'est l'origine. Parce que Moïse parlait au nom de Dieu, nécessairement, on pense qu'il y avait une autre source quelque part. Et parce que le Christ parlait au nom de Dieu, mais le Christ a été plus raffiné, le Nazaréen, il a parlé au nom de son Père. Ce qui finalement a transmué énormément les choses, et en dernier, il parla en son nom. Il a dit « Je suis », mais ça, les humains n'ont pas voulu saisir. Il n'y a pas eu le temps de le répéter assez, de toute façon. Bon. Son collectif, des mémoires vécues par tous, et vénérant ces mémoires, les cupe par tous, elle les énergise, les colore, les amplifie, les améliore, pour finalement s'en faire une idole. Et lorsque l'idole devient extrêmement puissante, l'idole paraît tellement loin et tellement proche, proche parce que c'est toi qui le crée et qui l'énergise, mais tellement loin dans la substance de perfection, finalement, que tu lui donnes après 2, 3, 4 ou 5 000 ans, ou même quelques millions d'années de vénération, tu le perds l'idolâtrie de ce Dieu pour finalement engendrer le phénomène divin que tu pourras appeler le point source. Alors tu peux dire, je viens de là. Génétiquement, c'est vrai dans la majorité des cas. C'est un de tes ancêtres, un ancêtre qui date de quelques millions d'années. Mais c'est un ancêtre. Et tu pourras dire, je viens de là d'une façon énergétique. C'est logique aussi, parce qu'à travers ton processus de réincarnation, tu l'as énergisé, et dans le processus de réincarnation vient toujours une partie de cette mémoire avec toi. C'est pourquoi, normalement, un enfant qui naît dans une famille catholique sera nécessairement catholique. Il aura de la difficulté à abandonner. Il pourra devenir Jéhovah par la suite, mais il aura quand même un remords. Même s'il n'a pas été baptisé. S'il n'a pas été baptisé, ça l'aide énormément. parce qu'il n'est pas relié immédiatement. Il n'est pas relié par le phénomène du nom ou du mot à l'égrégore. Ça l'aide énormément, mais encore là, sa programmation pour faire en sorte que, surtout si le nom est un nom adapté à un égrégore, ça peut être Rama, ça peut être Vishou machin chouette, ça peut être Isaac, ça peut être Daniel. Dépendant des théologies, encore une fois, c'est évident qu'on nous plug à la bonne place. Et c'est très important. Les dieux sont tous des voleurs. Les apparitions mariales. Marie apparaît à plusieurs places, mais pourquoi on lui donne tous des noms différents? Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de la Guadeloupe, et on en a un paquet. Notre-Dame de Fatima. Et elle n'est jamais tout à fait pareille. Et la première chose qu'elle demande, bâtissez nos têtes, priez, piaillez pas. Mais repentez-vous, ça même mousse d'affaire. Têtez. Et si vous priez suffisamment, si vous vous repentez suffisamment, peut-être que, ben toi, c'est même pas une certitude, qu'il n'y aura pas de guerre mondiale, il n'y aura pas de cataclysme, etc. Puis finalement, c'est toujours un peu la même chose. Pourquoi qu'une guerre pareille? Tu pries le bon Dieu et te réponds, c'est parce que tu n'as pas fait comme il faut. Tu manges encore plus de tes demandes. Ce qui te bise encore plus. Il y a énormément. On dit que le royaume des cieux est aux hommes de bonne volonté. Je suis entièrement d'accord. Le royaume des cieux s'adresse à toute l'humanité. Alors, celui qui va poser une bombe ou celui qui rentre avec un camion hyper dynamisé dans une base militaire et qui fait sauter tout ce là, il fait partie des hommes de bonne volonté. Sa volonté était de préserver son Dieu et de détruire le capitalisme américain. C'est génial. Félicitations. Celui qui, à un moment donné, décide de tuer sa femme et ses enfants au nom de Dieu, c'est un homme de bonne volonté. Pour arriver à tuer sa femme, ses enfants au nom de Dieu, ben, bout de toi, il faut être une maudite de bonne volonté. Parce que ça ne fait peut-être pas partie du cadre écologique que nous concevons normalement, nous allons dire, ouais, ben, il était mal plugué, le gars. Jim Jones était bien plugué. Il a fait des choses extraordinaires jusqu'au jour où sa bonne volonté a amené 993 personnes à aller visiter le monde de la mort. Et ça, Dieu le permet. Pourquoi Dieu le permet? Parce que tu as besoin de ces phénomènes émotifs. Besoin de nourriture. Et lorsque l'homme arrive à se faire un garde-manger, son garde-manger, où il est le seul voleur de son propre garde-manger. C'est intéressant ce que tu dis. Là. Premièrement, dans le monde de la mort, dans le ciel, où l'être humain peut placer certains trésors, la rouille attaque, et cette rouille-là s'appelle tétage de l'homme. L'humain, souvent, est sa propre rouille. Par sa parole fausse, il est sa propre rouille. Il place 5 piastres en banque, puis il est tout fier. Puis le matin, bien, il va le sortir. Et finalement, au bout de 15 ans, il n'a jamais mis l'énergie là-dedans. Il en met, puis de temps en temps, il paye un dividende, parce qu'il fait trop de retrait dans le bois. Bon. Certains sont plus rusés, veulent aller chercher un Dieu plus complaisant, un Dieu qui va donner plus d'intérêt. Et la meilleure façon, évidemment, c'est de travailler pour ton Dieu, c'est de t'acheter des actions, tu convertis. Tu risques d'avoir une meilleure place dans le monde de la mort. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des lois que tu ne connais pas, qu'on t'a prescrit dans le début, mais c'est toujours écrit en petit. C'est la parole de Dieu, des fois, c'est impénétrable. Et puis là, tu te rends compte que tu peux en mettre là que tu as 12 ou 20% d'intérêt, mais tu peux faire une retraite tous les 100 ans. Puis comme tu ne vis pas nécessairement à 100 ans, ben, tu perds tout ce que tu as encore placé. Alors la personne, elle aide, elle veut aider, elle rend service. Et on a même un dicton qui dit que les meilleurs partent toujours les premiers, même s'ils voient, à un moment donné, il y a un problème. Oui, émotivement, il crée tellement de plaisir dans le peuple que c'est le premier que l'astral va aller chercher parce que le monde va l'idolâtriser. Il va y avoir une filée au salon mortuaire. Les gens vont là pour têter une dernière fois un peu de celui qui est mort, mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'en même temps, ils nourrissent carrément le phénomène. Plus tu mets de gerbes, de fleurs, de monde, de pleurs, d'émotions, plus tu nourris le Dieu. Le criminel, quand il part, tout le monde est content, on l'oublie vite. Prends Jacques Mestrine, ils ont voulu faire un film dessus, c'est même pas dans les vidéos. Bon, les criminels partent et on les oublie, tandis que les meilleurs partent plus vite. Le Mahatma Gandhi, sacré son camp au plus sacrant. Pourquoi? Parce que t'as le temps. Avant qu'on découvre que c'est un être humain. Il était divinisé, divinisé, divinisé. Le mec, il vient le voir, il s'excuse, il se fait bénir par le Mahatma Gandhi, puis il le tue. Pas un meurtre, ça! Il l'aimait. Il savait plus ce qu'il se faisait. Les dieux sont forts. On peut prendre plusieurs exemples américains, c'est la même chose. Lorsque Martin Luther King se fait abattre, oh oui, il s'est fait abattre par du monde qui était devant le Ku Klux Klan. Pas vrai. Prenons le chanteur qui s'est fait descendre dernièrement, John Lennon, je crois. Ben, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'émotivement, ça va plaire. C'est extrêmement important, finalement. Il y a une conférence que je fais prochainement, c'est les dangers d'être trop bon. Première chose, quand tu es trop bon, tu te fais têter par tous les autres qui ambitionnent énormément. Puis quand tu leur dis non, ils ne comprennent pas, puis tu te pédises au bout. Puis deuxièmement, au niveau des dieux, il y a un problème aussi. Quand tu es trop bon, il faut que tu disparaisses. Quand tu es trop bon, faut te faire attendre, faut te faire goûter. C'est bon que le monde attende un peu près toi de temps en temps. Puis c'est bon que le monde chiale un peu contre toi de temps en temps. Si tu es trop bon, il y a un gros, gros, gros, gros danger. Alfred Bessette, c'était génial. Le frère André, il était très bon. Il était malade tout le temps. Jamais pu dormir. Il ne pouvait jamais manger. Mais il guérissait les autres. Ce fut absolument génial. Ah oui, comme tétage d'énergie, c'est impeccable. Puis on a entendu que tout le phénomène grimpe assez le combat de scène oratoire. L'autre allait chercher. L'autre l'a cliqué. Pas avant. Ça valait même pas la peine de faire une apparition mariale là. Tout se faisait tout seul. Et ça marche. L'humain peut guérir l'humain. Sauf que l'humain doit ordonner. Joseph étant en perdition, alors nécessairement, il a donné par le biais d'Alfred Bessette pour que l'humain leur bâtisse. Puis du moment que ça a marché, que Joseph est suffisamment énergisé, il ne donne plus. Les apparitions mariales, t'es guéri, t'es guéri, t'es guéri, t'es guéri. Puis quand c'est 3 000 à 4 000 fidèles qui viennent, t'es guéri, t'es guéri. Quand 3 000 à 4 000 qui viennent, il n'y a plus de guérison. Voilà, fini. Plus besoin en masse de monde. On ne donne plus rien. Les dieux ne te donneront jamais plus que nécessaire pour eux. Mais il y a autre chose. Il y a évidemment une problématique intéressante. C'est que qui a créé les dieux? Et pouvons-nous appeler ce créateur des dieux ou de l'homme, Dieu? Il y a quelque chose. On parle des dieux que l'humain prie. Il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas 150 000 dieux. Il y a une seule source. Et celle-là n'a pas besoin d'être priée. Pour la simple raison qu'elle ne peut pas passer ou elle ne peut pas passer. Bras écrits, pète, brute, elle ne passera pas. Quand t'es prête, ça passe. Quand t'es pas prête, ça passe pas. Bon. La prière te fait passer le temps. Jusqu'au jour où tu vas être prêt, là, ça vient. Là, tu peux dire, c'est parce que j'ai prié beaucoup. Sauf qu'il se trouve toujours que de l'injustice. Lui, il n'a jamais prié, puis là. Il a prié deux heures, puis là. Moi, ça fait 20 ans, je l'ai. La réponse, c'était cette année, il fallait que ça se passe. T'aurais fait n'importe quoi. Il y en a un qui est en prison, mais il y a une illumination. Ben oui, sa génétique permettait qu'à cette époque-là, il se réveille. Tout ce qu'il a fait antérieurement, ah, ça crée des problèmes karmiques. Il aura à payer pour un peu, il aura à supporter certaines conditions, mais ça ne l'empêchera pas d'être éveillé. Puis un autre qui est à l'extérieur, et lui, il va faire le bien parce qu'il trouve ça intelligent, mais pas au nom de Dieu. Alors, il y a effectivement un processus créationnel qui engendre les dieux. Dieu dans le ciel. Première chose que la théologie dit, c'est que Dieu créa le ciel et la terre en même temps. Donc, ce Dieu créateur ne fait effectivement pas partie du monde de la mort, c'est-à-dire du ciel. Et je répète qu'on ne peut pas prier. Ce Dieu est en phase d'involution. Le problème divin, c'est l'homme. Il est en phase d'involution, il gèle, et ça fait un paquet de conneries, dont l'homme. Et l'homme est arrivé à un point tellement bas que l'homme, présentement, accumule les couches d'énergie puis commence à remonter. Alors, tout ce qu'on appelle Dieu, qui descend régulièrement pour nourrir des fleurs, hein? Quand Dieu n'est pas arrêté par l'homme, mais il devient une fleur, ou devient un insecte, ou devient un orignal, ou devient de la boue. Mais quand Dieu est arrêté par l'homme, à un niveau, au niveau de l'homme, si moi j'arrête Dieu, je l'arrête à un niveau mental qui me permet de dire, ou de voir, ou de conscientiser certaines choses. Tandis que si je serais drogué ou alcoolisé au bout, ben nécessairement ma vibration serait plus basse au niveau de la gestion supraatomique de mes neurones et Dieu devrait descendre jusqu'à temps que je l'accroche. Puis là, Dieu, je serais pas plus ça. Et c'est pourquoi on ne peut pas faire comprendre à quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il ne comprend pas. Le temps, c'est-à-dire l'évolution génétique, l'évolution de son corps, l'évolution, la cellularisation des événements, finissent par, on peut appeler ça l'expérience, mais c'est pas tout à fait ça, finissent par augmenter le potentiel énergétique d'un individu, et il fait que, neuroniquement, il va mieux, il comprend plus rapidement, il saisit mieux, il pige. Comme il apprend plus, ça se fait, la lumière, paf! Et il arrête d'y avoir un niveau potentiellement plus élevé. Alors, quand on dit que l'homme est potentiellement un dieu, cela veut simplement dire que la finalité cosmique de l'homme, c'est de devenir, c'est-à-dire, en réalité, de se rappeler, c'est-à-dire, en réalité, d'être ce qu'il était. Mais il ne pourra pas être ce qu'il était dans la réalité. Il sera ce qu'il était dans la conscience. Mais il aura un corps physique et un corps matériel. Et ça, c'est une condition absolument essentielle pour la résorption de l'univers. Toutes les théologies disent que nous devons retourner vers Dieu. Oui, en ramenant Dieu. Et si on veut bien expliquer, parce que toutes les théologies, et quels que soient les livres sacrés, ne peuvent pas mentir, ils peuvent colorer, ils ne peuvent pas inventer une chose neuve, fausse. Ils ne peuvent que fausser les choses réelles. La vérité, c'est la coloration de la réalité. Le mensonge, c'est la coloration de la vérité. Lorsque les théologies disent que l'homme doit retourner vers Dieu, que nous devons retourner vers le centre source, vers le foyer central, vers ce que l'on voudra, ça veut simplement dire que l'homme a comme rôle primordial dans cet univers la destruction totale et globale de l'univers. Le rôle cosmique de l'homme, c'est de détruire la création. C'est ce que toutes les théologies enseignent. Si l'homme retourne vers Dieu, il va rester quoi? Il va rester les plantes, les insectes, les bébés. Puis apparemment, dans la Genèse, tout ça a été créé pour l'homme. Fait que si l'homme n'est plus là, ben tout ça ne peut à rien. Donc, c'est sur marche, tout ça décolle. Ça veut dire qu'un jour, l'univers n'aura jamais existé, parce que le temps et l'espace font partie de la création. Donc, lorsque l'univers n'existera plus, il y aura ni temps ni espace, ce qui fait qu'il n'y aura pas de mémoire. C'est le rôle cosmique de l'homme. C'est très grand, très, très grandiose, très vaste, très con, mais c'est une chose intéressante. Ce qu'il faut juste saisir là-dedans, c'est que le rôle de l'homme, c'est de grimper. Le rôle de l'homme, ce n'est pas de tirer la couverte à coups de prière, ou à coups de pardon, ou à coups de chandelle, ou à coups d'éditement. Le rôle de l'homme, c'est de conserver, de structurer, de s'arranger pour que sa conscience se développe. La meilleure façon, si on veut être encore un peu spiritualiste, d'entrer en contact avec Dieu, et je me fous du nom de Dieu pour l'instant, n'appelons pas Dieu. Toutes les théologies disent aussi qu'il y a un nom connu du peuple, il y a un nom connu des prêtres, il y a un nom connu de Dieu seul. Et c'est un nom-clé-là que lorsqu'un jour l'homme aura, il pourra voir Dieu comme allié ou comme esclave. Parce que c'est le Dieu du monde de la mort, justement. La meilleure façon d'entrer en contact avec le bon Dieu, c'est simplement d'accepter les choses neuves. Accepter les choses neuves, ce n'est pas une prière, c'est un accomplissement. C'est de permettre aux événements d'être ce que les événements sont. L'homme ne prie plus. L'homme exprime. Ça fait assez longtemps que Dieu prie l'homme. Que l'homme... C'est tant que l'homme écoute. Alors, l'homme est précieux aussi, mais tu sais, quand vous êtes deux au téléphone en parlant en même temps, c'est pas mal tough. Qu'est-ce que ça veut dire accepter le neuf? Ça veut dire que lorsqu'il pleut, il pleut. Simple, hein? C'est simple. Et nécessairement, là, tu es plugué direct avec de l'énergie intelligente, avec de l'esprit pur, de l'esprit sain, non coloré par tout ton phénomène mémoriel expérientiel. Tu es en relation avec ta propre intelligence. Cela veut dire que lorsque tu es malade, tu es malade. Tu trouves cela stupide d'être malade, parfait. Continue à trouver ça stupide et lorsque tu auras une raison intelligente d'être en santé, cela pourra dire que tu viens de recevoir ou d'arrêter la descente de Dieu à un niveau où l'intelligence du raisonnement de la santé apparaît. Et nécessairement, vu que tu es à une vibration tellement haute, où tu as intelligencé une raison d'être en santé, eh bien, nécessairement, tu es en santé. C'est pas un miracle. C'est une chose qu'on voit pas souvent. C'est pas pareil. Lorsque l'être humain a une raison intelligente d'accomplir une action, et je ne parle pas d'une raison émotive, je parle d'une raison intelligente. Cela se vibre donc au niveau du mental, et cela engendre un contact avec le mental supérieur, l'esprit saint, l'énergie supramentale, l'intelligence active, peut-être, peut-être, bon. Et lorsque l'être humain a cette vibration-là, bien le corps va suivre. Sauf que lorsque lui met un petit peu de contact, à un moment donné, il voit juste comme quelque chose qui est tellement content, tellement barbouillé d'enthousiasme, qui se coupe carrément avec ça, puis il trépigne dans sa mémoire. Et là, j'ai eu! C'est ça, mon petit, tu n'as plus. Je ne me vanterai pas d'avoir eu! Ça veut dire que tu te vantes de plus avoir. Et ça fait encore partie de la parole fausse. Lui-même passe son temps à se démolir. Ou à perdre son énergie. Ben oui, mais quand quelqu'un dit « Moi, je veux être en paix », tu viens d'avouer publiquement que tu n'étais pas en paix. Et tu passes ton temps à t'instruire que tu n'es pas en paix. C'est partie de la parole fausse, de la mécanicité. Comment ça va? De mieux en mieux. Tu t'exprimes toujours par là que tu pars toujours d'un phénomène de pire en pire. C'est comme celui qui dit « Je suis jeune de cœur ». Le jeune ne dit jamais ça. Donc, celui qui dit ça est vieux. Et avec sa parole fausse, parce qu'il ne se rend pas compte qu'inconsciemment il travaille contre lui, ben il est là. Il se démolit. Il se tue. Ceux qui prient souvent se tuent parce qu'ils se médiocrisent à un point tel que même avec le même microscope électronique, tu arriverais à peine à voir leur substance. Qu'est-ce que c'est, l'homme? Celui qui a la plus pire idée de valeur de l'homme, c'est l'homme. Pourquoi? Parce qu'avec sa parole, de toute façon, il se démolit continuellement. Avec ses actes, avec ses actions. L'humain, qu'est-ce que c'est l'humain? L'humain, c'est de l'orgueil où on dit à l'homme, regarde, lui, là, il saute. Puis là, on n'a qu'à se retirer. Toi, t'es là, tu dis, hey, moi, je suis pas capable. Facile de médiocriser l'humain à cause de son orgueil. Sa comparaison, l'autre, il sort, au bout! Puis après, tu t'en fous. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais l'humain ne marche pas comme ça. L'humain est nécessairement jaloux par son orgueil. L'humain est nécessairement compétitif par son orgueil. Et la compétition, ça crée un problème. Parce que si tu sautes trop haut, je te casse une jambe. Fait que là, moi, sauter plus haut que toi. Nécessairement, je suis le meilleur. Alors, c'est toujours la même chose. Dans la compétition, où tu empêches les autres de monter, fait que tu restes le meilleur, ou tu travailles pour monter. Mais l'humain, étant ce qu'il est, préfère souvent travailler pour que les autres ne montent pas trop. On appelle ça la compétition. On appelle ça la concurrence aussi. Démolir les autres compagnies pour monter la nôtre. C'est très intéressant. Les autres cours ne sont pas bons. Les religions, c'est pareil. La même chose. Dernièrement, j'écoutais une émission, puis il y a un gars qui n'a pas pu s'empêcher de dire que quand même, dans les écrits bibliques, nul ne peut être sauvé s'il n'est pas de l'Église catholique. C'est intéressant, mais là, toutes les autres à côté sont convaincus de la même chose. L'Église catholique n'employant plus les commandements ou interprétant trop la Bible fait qu'il y a un paquet de nouvelles religions, un paquet de nouvelles sectes. Et c'est à cause de l'Église catholique qui ne peut plus supporter son mandat. Moi, je n'ai rien contre, mais pourquoi y a-t-il tant de religions et tant de nouvelles religions, tant de nouvelles sectes? Bien, pour la simple raison qu'il y a de plus en plus de nouveaux dieux. Et pourquoi il y a de nouveaux dieux? Parce qu'il y a de plus en plus d'humains qui se conscientisent. Et quand l'humain se conscientise comme un tronc d'arbre qui déboule une montagne, ça frappe une roche, ça avance là, ça frappe une autre, ça avance là, ça déboule jamais droit. Alors, lorsque l'humain se conscientise, eh bien, à un moment donné, il sort des nuages. Tout le monde pense qu'on sort des nuages comme ça. Non, il sort du nuage couché, l'humain est à plat à terre, l'humain, là, il rampe devant les dieux, fait qu'il ne peut pas sortir la tête. Oh! Il sort la tête comme ça. Alors, quand il y a moitié d'un œil qui sort, il pense tout voir. Mais il y a deux yeux, hein? Alors, il voit tout, le cerveau lui mélange tout, il voit plein de brume, puis un petit peu de lumière. Puis là, tu comprends. À un moment donné, ben là, il sort, ah, tabarnouche, là, il vient de comprendre. Là, il vient de comprendre, il y a un œil de sortie. Mais à travers l'œil qui est dans la brume, il mélange encore tout. Et puis l'humain peut finir par sortir l'autre œil, mais quand l'humain sort les deux yeux, il redresse la tête. Ce n'est pas long. Et puis il se dit, partenaire, il se lève debout. Il ne peut pas rester couché à terre, c'est impossible. Sauf qu'en attendant, vu que chaque être humain voit une partie de... Chaque être humain vit une mutation que de conscientisante, une mutation évolutive, une mutation améliorative, Et étant donné que chaque être humain est la vie selon sa génétique, nécessairement, chaque être humain va exprimer le contact avec l'intelligence, qui n'a pas besoin de porter de nom. Il faut communiquer, oui, mais pas de nom personnifié. C'était pas nécessaire. Lorsque l'humain vient en contact avec l'intelligence, bien, il l'exprime selon, premièrement, sa parole fausse, selon les manipulations coloratives de son âme, donc de sa programmation, de son éducation, de ses concepts, de sa foi, de ses croyances et de ses besoins. Le pauvre va exprimer Dieu d'une façon différente du riche. Il n'a pas le choix. Il vit une expérience psychologique ou psycho-amique différente. Donc, nécessairement, il exprimera Dieu d'une façon différente. Le riche a plus de temps pour s'occuper de lui et il a plus de temps pour entretenir sa santé, ce qui le place nécessairement à un niveau d'évolution où il croira moins. Sauf évidemment, ça fait partie du snobisme de croire. Mais j'en connais plein, moi, de riches, de personnes hautement standardisées au niveau de notre province, des personnes qui sont mécotées au niveau politique et au niveau financier et qui nécessairement vont prier. Parce qu'il faut qu'on les voit là. Parce que si le maire y va, puis si le premier ministre y va, puis que toi, tu les rencontres pour discuter d'affaires, puis s'il va pas, bien, ils vont penser que tu crois pas. Puis peut-être qu'eux autres y croient. La majorité sont toutes là, pensant qu'il faut qu'ils soient là. C'est un peu comme quand vous êtes dans un restaurant. Il y a bien des choses qu'on n'ose pas parler, parce que les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont juste venir en parler avec vous autres. Hein? Tu sais, l'ésotérisme, ou les mots, ou l'évolution, c'est pas tout le monde s'intéresse à ça. Et non, hein? Il y avait une librairie ésotérique à Montréal, il en a ouvert une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, une huitième, une qui a fermé. Ah, ça commence à baisser. Non, c'est pas ça pantoute. Toutes les librairies maintenant ont le rayon ésotérique, tellement ça marche, pour ça qu'il y en a une qui a fermé, trop de concurrence. Il n'y a pas de librairie qui se tient debout maintenant où tu vois que tu n'as pas le rayon ésotérique. Bon, alors, il se passe quoi? Il se passe premièrement que l'humain se réveille de plus en plus. Et à travers ce réveil, l'humain a un contact avec l'intelligence de façon différente. Il y en a un qu'on vient chercher chez lui, qui a une mutation au niveau de la conscience individuelle qu'il est. Alors, il refuse maintenant l'éducation ou l'enseignement de tous les maîtres. Il y en a un autre, lui, ça vient chez lui instruire son ego qu'il n'est pas de la merde. Et il y a plusieurs choses, ce qui engendre nécessairement des concepts différents. Et comme l'être humain parlant entre lui arrive à intermêler nos opinions. L'humain est encore trop collectif pour avoir une opinion individuelle, même s'il a une discussion. Alors, intermêlant les opinions, il finit par aplanir l'opinion de tous ceux qui jasent, ce qui crée une forme d'égrégore intéressant, et puis lentement, s'il y a une grande gueule dans l'eau, eh bien, ça peut engendrer de nouvelles sectes. Mais nécessairement, la meilleure façon de partir quelque chose apparemment de neuf, c'est de puiser dans le ciel. Alors, on part avec la Bible, ou on part avec le Coran, et on engendre ce qu'on appelle une secte. On part avec une partie de ce monde de la mort, une partie de cet égrégore divin, et puis on pique l'énergie, et puis là, maintenant, on décide que c'est le bon Dieu. Et plus ces choses se font, plus l'homme vit cette phase de mutation où un jour, il aura un maudit problème. Parce qu'il y en a de plus en plus de sept. Il y en a plus de 75 pages à Los Angeles dans l'annuaire téléphonique, écrit en tout petit. C'est la même chose pour San Francisco. Il y en a énormément à Montréal, mais moins évidemment, parce que c'est surtout romancé par la partie californienne, sous la protection de Saint-André. Et lorsque toutes ces sectes, ça continue à grimper et à grossir, et au Québec, ça s'en vient, c'est normal, lorsque le gros égrégore catholique, le gros égrégore juif, le gros égrégore musulman aura été frité en millions de petits morceaux sectaires et de nouvelles consciences. L'ésotérisme, c'est la même chose. L'ésotérisme ou l'alchimie, ça donne une puissance extraordinaire tant que c'est unifié. Présentement, on a des centres du Nouvel Âge, des ceci, des cela, et ça s'appelle le centre de l'universalité, mais ça n'a rien à foutre avec le genre de secte. C'est un centre comme le centre Laval. C'est une compagnie. Mais il y a des centres qui prennent le nom centre parce que ça, c'était publicitairement intéressant. Et là, il y a des différents phénomènes qui apparaissent de plus en plus, et cela divise, sectionne cet égrégore, c'est-à-dire le coffre-fort de la banque dans lequel, depuis des milliers d'années, on place notre énergie. Et évidemment, cela fonctionne, les nouvelles choses veulent marcher. Parce que créant un petit égrégore neuf, celui-ci donne un peu plus pour pouvoir vivre, pour pouvoir naître. Mais il y arrivera un jour, un temps, où l'humain, toutes les sectes n'auront plus de puissance. toutes les nouvelles organisations à caractère spirituel, donc à caractère émotivement plugué, hein, pas à caractère mentalement plugué, à caractère émotivement plugué, ceux-là le verront leur dose de contact diminuer, de contact émotif diminuer. Ils auront toujours le contact avec la conscience. Mais la conscience, au lieu de dire « Je t'aime », un jour, elle va répondre « Tu m'es nécessaire ». Mais d'une façon où tu comprendras carrément que tu n'as pas de barbite et que tu vas servir d'outil. Émotivement, je t'aime, mais fais, exécute mes commandements. Et l'humain qui est toujours éduqué qu'il fallait qu'il aime, qu'il pourrait aimer quelqu'un, quand quelqu'un, tu veux manipuler quelqu'un, tu n'as rien qu'à lui dire que tu l'aimes. Ah, ben, je t'aime, moi! Tu pourras au moins faire ça pour moi! C'est ça règle le problème. Ou non, je t'aime plus si tu le fais plus, comme on fait des fois tes enfants. Alors, le phénomène de l'amour est très intéressant. Mais à un moment donné, c'est ça qu'il y aura un maudit problème qui va se vivre, parce que là, tu découvriras que ce qui, chez toi, communique avec le plan divin, n'est plus le cœur, mais la tête. Et le cœur intelligent qui a un jour été donné à Salomon, le cœur intelligent qui permet à l'être humain de devenir son seul maître, c'est-à-dire l'âme qui t'habite encore et qui devra un jour être anégoïsée, c'est-à-dire qui devra être amisée, diminuée, tamisée au coton, pour que l'esprit prenne le dessus, c'est-à-dire l'intelligence de l'homme, ou l'intelligence divine, de toute façon, sera transmise par l'homme, pour que cela se fasse, eh bien, lorsque l'être humain va vivre ce phénomène, il sera obligé, de par son mental, d'instruire son plan astral, c'est-à-dire de par son mental, d'instruire son âme. Et là, il aura le cœur intelligent. Mais il ne pourra plus accomplir une chose sur le plan planétaire sans en comprendre l'intelligence. Il n'aura pas besoin de voir la finalité, il en comprendra l'intelligence. D'où? Il ne marchera plus par la croyance. Lorsque cette transition va se faire, il y aura évidemment de plus en plus de sec et de ce genre de phénomène, et nécessairement, la puissance va diminuer. Diminuer, ça veut dire que l'humain sentira naître chez lui, premièrement, la culpabilité. La culpabilité de ne pas avoir suffisamment servi. Et c'est mortellement dangereux chez l'homme, c'est que la culpabilité naît toujours comme un doute. Le doute, c'est la solution du discernement entre les forces de l'intelligence et les forces de la noirceur, les forces de la stupidité, les forces de l'ignorance. Douter, même doute, est salutaire à l'homme. Parce que de cette façon, il pourra arriver à savoir ce qu'il sait et à savoir ce qu'il ne sait pas, donc ce qu'il croit. Mais la culpabilité, c'est merveilleux. Et elle apparaît toujours dans la conscience astrale ou amique de l'homme comme un doute. Peut-être que je n'ai pas bien fait. Doute. Mais en réalité, ce n'est pas un doute de discernement, ce n'est pas un doute évolutif, ce n'est pas un doute mental, c'est une forme, une illusion de doute consumatif. Il brûle ton énergie. Et nécessairement, vers la toute fin, dans les années à venir, il y aura des personnes qui vont se sentir coupables à un point tel qu'ils vont vouloir revenir vers l'ancêtre, vers les vieilles religions. À travers tout ce phénomène des sectes, à un moment donné, ça va péter. Et les gens vont vouloir revenir vers ce qu'ils ont connu antérieurement, vers les vieilles religions, qui seront, hélas, à ce point tellement épuisées qu'elles ne pourront pas supporter l'humain. Alors l'homme sera laissé à lui-même. Totalement laissé à lui-même. Et c'est pour les temps, c'est pas long, c'est en dedans des 20 prochaines années. C'est très rapide. L'homme sera totalement laissé à lui-même, sauf évidemment celui qui aura déjà appris à assumer sa solitude, celui qui aura appris à se débarrasser des dieux. Il faut absolument, c'est exactement comme papa à un moment. Quand l'enfant découvre que son père est un humain, en termes très québécois, il crie cela. Quand les jeunes découvrent que les adultes n'ont pas la vérité, mais sont des humains, on ne peut rien savoir d'eux autres. Et c'est ce qui va arriver aux dieux. Jusqu'au jour où l'enfant doit réapprendre que ses parents ne sont pas des dieux. Mais ses parents ne se sont jamais prétendus dieux, c'est l'enfant qui les a divinisés. Et parce que l'enfant les a divinisés, eh bien le parent paye pour. Et à un moment donné, l'enfant devra comprendre que les parents sont des alliés. Qui peuvent avoir des choses intéressantes, des choses moins bonnes. Et on se sert de l'allié comme un outil. Et le parent se servira aussi de l'enfant, de l'allié comme un outil. lorsque ces religions seront épuisées, et elles s'épuisent lentement. Il y a évidemment une recrudescence de nouveautés, c'est la tentative que font les choses. Chaque fois qu'une chose vieille s'en va, on essaie, l'humain a une tendance à vouloir la rénover. La rénovant, il change la forme. Mais étant donné que plusieurs rénovent à leur façon, on ne rénove pas de la bonne façon pour conserver la mémoire, mais on rénove d'une façon absolument parfaite pour engendrer la dissolution de ces divinités du monde de la mort, ce qui un jour engendrera la dissolution du monde de la mort, et ce que d'ailleurs Saint Jean de Patmos dit lorsqu'il dit que l'homme voudra mourir et ne trouvera pas la mort, c'est que le monde de la mort aurait été dissous, absorbé par l'homme qui aura la faculté de le transmettre dans la matière. Alors on va faire une petite pause de 15-20 minutes. Vous avez des questions sur n'importe quoi? Sur n'importe quoi, vous ne gênez pas. Et vous avez des commentaires, vous ne gênez pas non plus. Petite pause. Merci beaucoup, Daniel.